selfies sur les carrés. J'ai déjà connu cette vie, puis je suis navré. J'suis pas dedans et toutes ces filles, je les ai barrées. J'suis pas dedans et toutes ces filles, je les ai barrées. Elle m'a vu le premier soir, elle veut se déshabiller. Vu le premier soir, elle veut se démaquiller. Entre mon cœur et mes sables, y'a tout qui est abîmé. Connu dans le sol, elle fait pas du ciné. Ne fais pas peur, c'est pour un menteur. J'fais partie de ceux qui blessent, donc j'te connais pas cœur. Me fais pas peur, c'est pour un menteur. Je fais partie de ceux qui blessent, donc je te connais pas, girl. J'suis dans sa tête comme à la maison. Tu veux mon cœur, c'est pas la saison. J'te donnerai quand j'en aurai besoin. J'te donnerai quand j'en aurai besoin, bébé. En bas du bloc comme à la maison. Aime mon cœur, c'est pas la saison. J'lui donnerai quand j'en aurai besoin. J'lui donnerai quand j'en aurai besoin. J'ai dans mon tel que des modèles. Méchant, j'attends que tu dormes, mais j'suis plus là. Méchant, j'suis dans le délire, j'suis dans celui-là. N'échange pas mon number s'il y a problème. Tant pis pour toi, j'y peux rien s'il y a problème. Trop tard pour toi, faudra pas m'attendre. Façon, j'fais les échanges sur le corner. Mais papa, c'est pour un menteur. J'fais partie de ceux qui blessent, donc j'te connais pas, girl. Me fais papa, c'est pour un menteur. J'fais partie de ceux qui blessent, donc j'te connais pas, girl.